Chapitre 2e, premier voyage. Découverte des îles San Salvador, Concepción, Grande Exuma, Long, Mucaras, Culea et Saint-Domingue. Christophe Colomb n'était pas encore au bout de ses vicissitudes. Il eut d'abord une peine inouïe à rassembler le nombre de bons matelots nécessaires à son expédition. Et quand il en eut enfin réuni une centaine, dont il était parvenu à dompter les terreurs qu'inspirait une si grande entreprise dans ce désert de l'Atlantique, regardé alors comme une région de ténèbres et de mort, il se trouva que, faute d'argent, lui dit-on, mais en réalité par les manœuvres souterraines de quelques courtisans jaloux, la flotte qu'il devait commander avec le titre d'amiral se composa d'une seule caravelle. Mais il ne se découragea pas pour une difficulté si petite, relativement à celle qu'il avait déjà surmontée. Il était d'ailleurs en relation suivie avec de riches navigateurs de Palos, les frères Pinzon, auxquels il fit partager ses espérances à ce point qu'ils équipèrent à leurs frais de nouvelles carabelles qu'ils montèrent eux-mêmes. La flottille de Christophe Colomb se composait donc de trois navires, la Galega, que lui avait donnée la reine et qu'il rebaptisa du nom de Santa Maria, la Pinta, que commandait Alonso Pinzon, et la Mina, où se partageaient le commandement les deux frères Francesco et Vicento Pinzon. Elle mit à la voile le 3 août 1492 dans le petit port de Palos, au milieu d'un immense concours de curieux plus consternés que sympathiques, et venus là plutôt pour voir ces hommes hardis et insensés qui partaient pour une expédition sans retour que pour leur souhaiter bon voyage. L'entreprise était condamnée d'avance par l'opinion publique, et l'adieu des spectateurs, qui saluaient les chefs et les marins comme s'ils ne devaient plus les revoir, n'était pas pour effacer la secrète terreur dont l'équipage se sentait envahi en s'élançant à pleine voile sur cette mer inconnue qu'une sorte d'épouvante traditionnelle, bien plus encore que le manque d'instruments, avait fermé de toute antiquité aux navigateurs. Cependant, les premiers jours, un vent égal et favorable n'ayant cessé de souffler, tout alla bien, et les esprits se rassérénèrent. Mais quand il fallut quitter les Canaries, où on avait été obligé de relâcher pour réparer la Pinta, dont le gouvernail s'était démonté, très probablement par le mauvais vouloir du timonier, l'effroi revint. Un accident très naturel, mais qui pour des hommes déjà influencés par la peur, prenait le caractère d'un présage menaçant, le redoubla encore. Le pic de Tenerife, volcan situé dans l'une des îles Canaries, eut une éruption qui pendant quelques jours éclaira la mer de lueurs sinistres. Tous les matelots y virent un avertissement du ciel et supplièrent l'amiral de ne pas franchir ses limites du monde connu. Mais Christophe Colomb était inébranlable dans sa foi. Il rassura son équipage par une explication du phénomène qui l'effrayait, mieux peut-être encore par son enthousiasme, et le 6 septembre, il quittait Gomera, dont les habitants lui confirmèrent l'existence d'une terre inconnue dans l'ouest, sans avertir ses impressionnables compagnons que trois vaisseaux portugais armés par la jalousie de Jean II les attendaient au large pour leur barrer le passage. Il les évita d'ailleurs fort habilement et pointa résolument à l'ouest. Toutes les épreuves n'étaient pas subies. Ce fut d'abord un calme plat qui, immobilisant la flottille pendant de longues journées, démoralisa les équipages. Colomb passait d'un navire sur l'autre et employait la relâche forcée à rassurer les esprits et à exciter la curiosité de ses compagnons en leur décrivant les merveilles des pays qui étaient devant eux et à éveiller leur cupidité en leur parlant de l'or qu'ils ne manqueraient pas d'y recueillir. Enfin, il s'éleva un fort vent d'est qui poussa les carabelles dans une direction favorable, mais la persistance de ce vent inquiéta encore les matelots, peu soucieux d'aller en avant et auxquels il ôtait tout moyen de retour. À 200 lieues environ des Canaries, Christophe Colomb constata des variations étranges dans l'aiguille de la boussole. Il étudia ce phénomène en le cachant avec soin à ses compagnons, mais les pilotes ne tardèrent pas à s'apercevoir que les boussoles nord-ouestaient et ils s'imaginèrent, en voyant ce qui était pour eux le renversement des lois de la nature, puisque la variation magnétique n'était pas connue alors, qu'ils étaient arrivés aux confins du monde et qu'il n'y avait plus devant eux que le vide, des abîmes mystérieux où la science humaine était anéantie. Ce fut un nouveau sujet d'effroi. Colomb rassura encore ses hommes en leur expliquant le phénomène d'après les observations qu'il en avait faites, mais surtout en leur faisant remarquer une hirondelle et un paille-en-queue qui voltigeaient autour de la Niña. Or, comme ces oiseaux ne s'éloignent jamais guère plus de 25 lieues en mer, il en conclut que la terre devait être proche. L'espérance renaquit donc pour quelque temps, et grandit encore lorsque, dans la journée du 17 septembre, on vit fréquemment des herbes flotter à la surface de la mer. On constata même, sur une de ces touffes de verdure, la présence d'une écrevisse vivante, symptôme assuré de la proximité des côtes. Cependant, on naviguait toujours en avant, sans rencontrer aucune terre. On commença à croire que ces indices étaient trompeurs, que la mer était sans bornes, et qu'on était perdu dans l'infini, et comme les vivres s'épuisaient, le découragement abattit toutes les âmes. Bientôt des murmures s'élevèrent, une sédition fut sur le point d'éclater. L'amiral la comprima par son énergie. Mais il ne put ranimer le courage de ses hommes que lorsque de nouveaux témoignages de la terre vinrent confirmer ses promesses. Un soir, une quantité de petits oiseaux voltigèrent en chantant autour des carabelles, et parmi eux, on reconnut des passereaux, espèces qui ne s'établit jamais qu'autour des habitations humaines. Christophe Colomb se servait de ces indices au fur et à mesure qu'ils se présentaient, et ils furent fréquents pendant les derniers jours de septembre, pour relever le moral abattu de ses compagnons. Le 1er octobre, il leur annonça qu'on avait fait 584 lieues dans l'ouest depuis l'île de Fer. Il savait bien, lui, que la distance parcourue était plus de 700 lieues, mais il ne voulait pas les effrayer en leur apprenant qu'ils étaient si éloignés de leur pays. Cependant, on naviguait toujours. Les jours succédaient aux jours, les nuits aux nuits, et la terre n'apparaissait pas. Les matelots, tristes et inquiets, obéissaient, mais en frémissant, et il n'y avait pas besoin d'un phénomène nouveau pour les consterner. Ce phénomène se produisit pourtant. La flottille était alors sous la ligne de l'équateur. Les marins virent avec effroi les vagues se soulever, sans être agitées par aucun vent. Ce trouble dans un élément qu'ils croyaient connaître leur fit craindre d'être parvenus à des parages inabordables et qu'au-delà, il n'y avait plus que des abîmes où les navires seraient infailliblement engloutis. Ils se sentirent perdus, et la proximité du danger, la surexcitation de la peur, leur firent oublier le respect qu'ils avaient porté jusque-là à leur amiral. Les murmures devinrent menaçants. Une sédition allait éclater, et l'autorité du génie et de la parole de Christophe Colomb allait être impuissante à la réprimer, quand, au milieu des cris de colère, on entendit le commandant de la Pinta jeter le cri depuis si longtemps désiré de « Terre !» C'était le 7 octobre. Toutes les voix se mirent à l'unisson pour répéter ce cri d'espérance. Mais comme la nuit était venue, on attendit au lendemain pour jouir du spectacle du rivage signalé. Quoique impatiemment attendu, le jour vint trop tôt pour tous, car il n'apporta qu'une illusion. Ce qu'on avait pris pour la terre était un nuage qui se fondait à l'horizon. Les murmures recommencèrent, et Colomb lui-même se prit à douter, non pas du résultat final, il n'avait rien perdu de sa foi, mais de la direction qu'il avait suivie, et Pinzon, affirmant avoir vu de la Pinta des perroquets voler vers le sud-ouest, il modifia sa route de quelques points vers le sud. Heureuse inspiration, car en continuant à pointer à l'ouest, les carabelles auraient été probablement se briser sur le grand banc de Bahama. Ce changement de route, si peu important qu'il fût, augmenta les inquiétudes de l'équipage. L'amiral était hésitant, donc il les trompait ou se trompait lui-même, et la révolte s'organisait quand un nouveau cri de « Terre » partit de la Niña. C'était encore une illusion, et quelques heures plus tard, on s'aperçut qu'on avait encore été abusé par un nuage. Alors, le mécontentement éclata sans réserve. Cette terre si ardemment désirée, signalée deux fois en deux jours, et qui semblait reculer toujours, parut aux uns une ironie du ciel insultant à leur malheur, aux autres un stratagème employé par l'amiral pour leur faire prendre patience. Ne pouvant rien contre le ciel, ils s'en prirent à Colomb, et réunis sur le pont, ils l'accusèrent de les avoir trompés et de les mener à une mort certaine. Les plus séditieux déclarèrent qu'il fallait enfin le punir. Y eut-il révolte ouverte? Quelques historiens l'affirment, mais Christophe Colomb n'en parle pas dans le récit de son voyage. Il est certain que les matelots des trois carabelles s'entendirent et que le 10 octobre, ils refusèrent d'aller plus loin. Mais rien ne prouve qu'ils signifièrent aux pilotes de retourner leur proue et de revenir en Europe. Que Christophe Colomb ne put échapper à leurs menaces et à leur colère qu'en leur abandonnant sa vie, si dans trois jours il ne leur faisait pas voir la terre. Cela sent un peu trop le roman pour n'être pas mis en doute. Il est probable, au contraire, que l'amiral dompta l'irritation générale par son attitude énergique et gagna quelques jours sur l'impatience de tous par son enthousiasme éloquent et sa certitude du succès final. Il y fut d'ailleurs aidé par les événements. Le 11 octobre, on remarqua le long de la Santa Maria un roseau encore tout vert, qui flottait sur une mer assez grosse. Dans le même moment, L'équipage de la Pinta hissait à son bord un morceau de bois qui paraissait avoir été travaillé fraîchement avec le fer et, comme si le destin qui avait été si longtemps contraire à l'amiral voulait multiplier les preuves de la proximité de la terre, les matelots de la Niña recueillirent une branche d'aubépine en fleurs, portant un nid d'oiseau rempli de petits œufs. Ces témoignages irrécusables, ces gages d'une espérance qui n'était plus trompeuse, auraient été suffisants pour réfréner une sédition, s'il y avait eu vraiment une sédition dans l'acception malheureuse du mot. Mais non, il y avait eu des murmures nombreux, des menaces sans doute, peut-être, dans un moment de surexcitation, un refus de travail. Mais la force même d'inertie n'avait pas été employée contre l'autorité de Christophe Colomb. Sans cela, il le dit dans le journal de son voyage, que son ami Las Casas a fait passer à la postérité. On navigua encore toute la journée sans rien apercevoir. La nuit, personne ne dormit à bord des trois carabelles. Car en dehors de l'intérêt général attaché à l'expédition, tous les matelots avaient un intérêt particulier à signaler le nouveau continent, puisque le roi Ferdinand avait promis une récompense de 10 000 maravédis, à peu près 8 000 francs, à celui qui le premier apercevrait la terre. Christophe Colomb, plus que tout autre, veillait en s'absorbant dans ses vastes pensées. À la veille de voir se réaliser l'espérance de toute sa vie, il contemplait avec une anxiété fiévreuse chacune des vagues que franchissait son navire et comptait chacun des nœuds qui le rapprochaient de son but. Vers minuit, il crut apercevoir une lumière dans le lointain, mais craignant d'être trompé par une de ces lueurs phosphorescentes qui courent parfois à la surface de la mer, il appela un jeune officier nommé Gutiérrez et lui fit remarquer le point lumineux qui vacillait dans les ombres de l'horizon. Ce Gutiérrez, qui avait été l'un des plus ardents à l'opposition et qui maintenant ne croyait pas avoir jamais assez d'admiration pour l'amiral, affirma que c'était en effet du feu, mais Christophe Colomb le pria de ne rien dire à ses compagnons auxquels il ne voulait pas avoir à se reprocher d'avoir causé une fausse joie. Mais cette fois c'était une réalité. La Pinta, qui marchait en avant, tira un coup de canon et la voix du matelot Rodrigo fit entendre ce cri si ardemment souhaité, le cri de délivrance « Terre ! Terre !» qui trouva un écho formidable et joyeux dans toutes les poitrines. Christophe Colomb, jusque-là maître de lui, succomba sous l'émotion. Il tomba à genoux et remercia le ciel de la réalisation de son rêve. À 2 heures du matin, la terre, qui n'était pas éloignée de plus de 2 heures des carabelles, fut indiscutablement reconnue et les trois équipages, s'embrassant de joie, entonnèrent le Salve Regina. Le lendemain, au lever du soleil, on était en vue de la plus petite des îles du groupe de Bahama. Colomb la nomma San Salvador et se prépara à en prendre possession en présence des naturels entièrement nus qui étaient accourus sur la côte, surpris plutôt qu'effrayés à la vue des carabelles et des hommes que l'éclat de leurs costumes leur faisait croire d'une espèce beaucoup plus différente de la leur qu'elle ne l'était réellement. Désirant leur inspirer de l'amitié pour nous, dit Christophe Colomb lui-même dans le récit de son voyage, et persuadé en les voyant qu'ils se confieraient mieux à nous et qu'ils seraient mieux disposés à embrasser notre sainte foi si nous usions de douceur pour les persuader, plutôt que si nous avions recours à la force, je fis donner à plusieurs d'entre eux des bonnets de couleur et des perles de verre qu'ils mirent à leur cou. J'ajoutai différentes autres choses de peu de prix. Ils témoignèrent une véritable joie et ils se montrèrent si reconnaissants que nous en fûmes émerveillés. Quand nous fûmes sur les embarcations, ils vinrent à la nage vers nous pour nous offrir des perroquets, des pelotes de fil de coton, des sagaies et beaucoup d'autres choses. En échange, nous leur donnâmes de petites perles de verre, des grelots et d'autres objets. Ils nous donnaient tout ce qu'ils avaient, mais ils me parurent très pauvres de toute manière. Les hommes et les femmes sont nus comme au sortir du sein de leur mère. Parmi ceux que nous vîmes, une femme seule était assez jeune, et aucun des hommes n'était âgé de plus de 30 ans. Du reste, ils étaient bien faits, beaux de corps et agréables de figure. Leurs cheveux, gros comme des crins de queue de cheval, tombaient devant jusque sur leurs sourcils. Par derrière, il en pendait une longue mèche qu'ils ne coupent jamais. Il y en a quelques-uns qui se peignent d'une couleur noirâtre, mais naturellement, ils sont de la même couleur que les habitants des îles Canaries. Ils ne sont ni noirs ni blancs. Il y en a enfin qui se peignent en blanc ou en rouge ou en toute autre couleur, soit le corps entier, soit seulement la figure ou les yeux, ou seulement le nez. Ils n'ont pas d'armes comme les nôtres, et ne savent pas même ce que c'est. Quand je leur montrais des sabres, ils les prenaient par le tranchant et se coupaient les doigts. Ils n'ont pas de fer. Leurs sagaies sont des bâtons. La pointe n'est pas en fer, mais quelquefois une dent de poisson ou quelque autre cordure. Ils ont de la grâce dans leurs mouvements. Comme je remarquais que plusieurs avaient des cicatrices par le corps, je leur demandai, à l'aide de signes, comment ils avaient été blessés. Ils me répondirent, de la même manière, que les habitants des îles voisines venaient les attaquer pour les prendre et qu'eux se défendaient. Je pensais, et je pense encore, qu'on vient de la terre ferme pour les faire prisonniers et esclaves. Ils doivent être des serviteurs fidèles et d'une grande douceur. Ils ont de la facilité à répéter vite ce qu'ils entendent. Je suis persuadé qu'ils se convertiraient au christianisme sans difficulté, car je crois qu'ils n'appartiennent à aucune secte. L'amiral avait abordé la côte nouvelle dans sa chaloupe avec Alonso et Vicente Pinzon, le contrôleur Rodrigo, le secrétaire d'Escovedo et quelques autres officiers. Il tenait à la main la bannière royale. Les deux capitaines portaient la bannière de la croix verte sur laquelle étaient brodés les chiffres de Ferdinand et d'Isabelle. C'est ainsi qu'il prit solennellement possession de l'île au nom du roi et de la reine d'Espagne et qu'il fit rédiger le procès-verbal de ses actes le vendredi 12 octobre 1492. Le plus difficile du but était atteint et le pauvre marin génois, si longtemps rebuté et méprisé, touchait à sa vice-royauté. Le nouveau monde était découvert. Mais, il faut le répéter encore, Christophe Colomb ne se croyait pas dans une contrée nouvelle. D'après ses calculs, il devait être sur le littoral de l'Inde, ce qui explique le nom d'Indien donné aux indigènes et celui d'Inde occidentale que prit leur pays. Mais cette erreur ne diminue en aucune façon sa gloire, qui eût été tout aussi réelle, par cela seulement qu'il l'avait entrepris, quand même elle n'eût pas été consacrée par un succès qu'il n'espérait pas lui-même et dont il ne soupçonna jamais l'immensité des résultats. En visitant l'île San Salvador, dont il recueillit des spécimens de la flore et de la faune, et même, il faut bien le dire, dont il arracha par le seul droit de la force de paisibles habitants qu'il voulait montrer en Espagne comme preuve de sa découverte, il apprit par les signes des indigènes qu'en naviguant vers le sud, il arriverait à une contrée dont le roi possédait de grands vases d'or et conséquemment d'immenses richesses. Dès le lendemain, il mit à la voile dans la direction indiquée, d'autant plus convaincu qu'il allait aborder au Japon qu'il connaissait, d'après Marco Polo, sous le nom de Cipango, que les indigènes désignaient cette contrée où l'or se trouvait en abondance par le mot Cibao. Ce fut encore une île qu'il découvrit, celle-là, qu'il reconnut le soir du 15 octobre, et qui n'est distante que de 5 lieues de San Salvador, fut baptisée par lui Conception. Le lendemain, il en prit possession. Il y fut accueilli avec autant de bienveillance, autant d'étonnement qu'à San Salvador. Mais comme il cherchait le continent, il ne s'y arrêta pas, et continua sa route dans la direction de l'ouest. 9 lieues plus loin, une troisième île frappa ses regards, celle que la géographie désigne sous le nom de Grande Exuma, et qu'il appela alors Fernandina. C'était au coucher du soleil. Toute la nuit, du 16 au 17 octobre, les carabelles restèrent en panne. Le lendemain, au point du jour, elles étaient entourées de grands pirogues. Mais les indigènes qui les montaient n'avaient point d'intention hostile. Attirés par la curiosité, ils ne firent aucune difficulté pour échanger les objets de production de leur île, fruits et coton, pour des verroteries, des tambours de basque, des aiguilles et surtout pour de la mélasse dont ils se montrèrent très friands. Ces naturels, d'ailleurs plus civilisés que ceux des îles précédentes, puisqu'ils habitaient des cases fort propres et pourvues de cheminées, étaient aussi plus vêtus que leurs voisins. Mais leur pays n'était point le continent rêvé par Christophe Colomb. Les indigènes de San Salvador, embarqués sur la flottille, parlaient toujours d'une île très grande, située dans le sud et qu'ils nommaient Samocto, sur laquelle on devait trouver le précieux métal. Dès le soir même, l'amiral remit à la voile et il mouillait le 19 dans une baie de cette île à laquelle il donna le nom d'Isabelle qu'elle a perdu depuis pour prendre celui d'île longue. Il attendit pendant quelques jours la venue du roi dont on lui avait parlé, mais voyant qu'il ne se montrait pas, il continua sa route vers une terre qu'il croyait bien être le continent si désiré et qu'on lui indiquait à l'ouest. C'était Cuba, où il arriva le 26 octobre, après avoir pris connaissance de 7 ou 8 petites îles échelonnées sur une seule ligne, qui sont évidemment les Mucaras. Les carabelles mouillèrent à l'embouchure d'un fleuve qui fut baptisé Saint-Sauveur, à l'abri d'un promontoire, qu'à cause des arbres magnifiques qui le couvraient, et dont les feuilles étaient si larges qu'une seule pouvait suffire à couvrir une case des naturels, Christophe Colomb appela le Cap des Palmes. Il eut d'abord assez de difficultés à s'aboucher avec les naturels du pays, qui s'enfuyaient à son approche. Mais ils finirent par se laisser prendre aux moyens ordinaires de séduction et firent de nombreux échanges avec les Espagnols. Ils apprirent à l'amiral que son journal nous montre très enthousiasmé de la splendeur du paysage et des sites, et des merveilles de cette nature vierge, que de l'autre côté de la baie, il y avait une rivière qui n'était éloignée que de 4 journées de marche de Kubanacan. Ce mot fut un trait de lumière pour Christophe Colomb, qui, croyant entendre Kublai Khan, nom de souverain tartare qu'il avait lu dans les relations de Marco Polo, se convainquit plus que jamais qu'il était sur la terre ferme, à l'extrémité de l'Asie, et par conséquent à une distance relativement courte de l'empire des Mandchous et du Cathay, la Chine, but suprême de son voyage. Il ne savait pas que par le mot de Kubanacan, les naturels désignaient le centre de l'île de Cuba, Nakan, dans leur langue, voulant dire milieu. Aussi, il se disposa à envoyer des présents au prince qui devait régner sur cette contrée, et choisit pour cette mission un gentilhomme de son bord, chargé de porter la parole. Un juif converti, nommé Luis de Torres, connaissant l'hébreu, le chaldéen et un peu l'arabe, pourrait vraisemblablement lui servir d'interprète. Ils partirent le 2 novembre, accompagnés de 2 Indiens porteurs de colliers de verroterie des fabriques de cordoue et d'autres bagatelles dont la possession était très enviée par les sauvages. « Il est certain, » écrivait alors dans son journal l'amiral, qui se croyait à l'embouchure du Rio Marén, « il est certain que ceci est la terre ferme et que je suis sur le chemin de Zaito et de Kinsey, à 100 lieues un peu plus ou un peu moins loin de l'une et de l'autre. » Mais ses ambassadeurs, qui n'avaient point trouvé ce qu'ils cherchaient, revinrent le 5 au soir, ainsi que le constate le journal de Christophe Colomb à la date du 6 novembre. « Hier dans la nuit, » dit-il, les 2 hommes que l'amiral avait envoyés pour reconnaître l'intérieur des terres arrivèrent et lui dirent comment, après avoir fait 12 lieues, ils avaient trouvé un village de 50 maisons qui pouvait bien renfermer 1000 habitants, parce que beaucoup demeurent ensemble dans chaque maison. Ces maisons sont faites comme de très grandes tentes. Ils dirent que les habitants les avaient reçues, selon leur habitude, avec la plus grande solennité, et que tous, tant hommes que femmes, étaient venus les voir et les avaient logés dans les meilleures maisons. Que les Indiens leur touchaient et leur baisaient les pieds et les mains, s'émerveillant et croyant qu'ils venaient du ciel, ainsi qu'ils le leur avaient fait comprendre par signe. Ils leur avaient donné à manger ce qu'ils avaient. Les 2 Espagnols racontèrent qu'en arrivant, les plus considérables du lieu les prirent et les portèrent à bras à la principale maison de l'endroit, et leur donnèrent des sièges sur lesquels ils s'assirent, et que tous les habitants s'assirent alors en rond, par terre, autour d'eux. L'Indien qui les avait accompagnés leur fit connaître la manière de vivre des chrétiens, en les assurant que c'était de bonnes gens. Ensuite les hommes se levèrent et les femmes entrèrent, tous s'empressant autour des Espagnols, leur baisant les mains et les pieds, et les tâtant pour reconnaître s'ils étaient de chair et d'os comme eux-mêmes. Les 2 Espagnols leur montrèrent la cannelle, le poivre et les autres épices que l'amiral leur avait données, et les Indiens leur firent entendre par signe qu'il y en avait beaucoup près de là, du côté du sud-ouest, mais que là où ils étaient, il n'y en avait que peu. Ayant reconnu que ces Indiens n'avaient point de ville, les 2 Espagnols s'en retournèrent. Mais s'ils eussent voulu y consentir, plus de 500 personnes, tant hommes que femmes, les auraient accompagnés, tous croyant qu'ils retournaient au ciel. Ils ne trouvèrent sur leur chemin aucun village composé de plus de 5 maisons, et partout ils furent reçus de la même façon. Ils virent beaucoup d'espèces d'arbres et de fleurs odoriférantes. Ils remarquèrent plusieurs variétés d'oiseaux différents de ceux d'Espagne, excepté les perdrix et les rossignols chanteurs et les oies, dont il y a beaucoup. Ils n'y virent point de quadrupèdes, sauf des chiens qui n'aboient pas. La terre est très fertile, très cultivée et semée de pois, de haricots et de fèves très différentes des nôtres et de panais. Très cultivée et semée de pois, de haricots et de fèves très différentes des nôtres et de panais. Ils virent aussi beaucoup de coton tant sur pied que brut, filé et travaillé. Ils en avaient trouvé dans une seule maison près de 500 arobes d'Espagne, environ 6 kilogrammes, ce qui fait croire à l'amiral qu'on peut en réunir là, tous les ans, 4 000 quintaux. Mais ce qui étonna le plus les explorateurs espagnols, ce fut de voir, chemin faisant, à l'aller et retour, beaucoup de naturels du pays, hommes et femmes, qui allaient çà et là parmi les habitations, tenant à la main de petits brandons faits d'une certaine herbe sèche, roulés dans une feuille de la même herbe, qu'ils allumaient par l'un des bouts et mettaient ensuite par l'autre dans leur bouche. Puis, ils en aspiraient au dedans et en soufflaient au dehors la fumée. Ils appelaient ce rouleau un tabaco. Ce nom a passé depuis à la plante elle-même, car telle est l'origine de nos cigares, ou du moins des cigares de la Havane, auxquels les Espagnols s'habituèrent promptement. Y a-t-il enseigne que l'historien contemporain Las Casas, qui parle très longuement de cette coutume, ajoute « J'ai connu des Espagnols dans cette île espagnole qui s'habituèrent à en faire usage, et comme on leur en faisait les reproches, leur disant que c'était un vice, ils répondaient qu'il n'était pas dans leur pouvoir de l'abandonner. Je ne sais quel plaisir ou quel profit ils trouvaient en cela. » La question est toujours à faire quant au plaisir, quoiqu'aujourd'hui tout le monde fume. Quant au profit, le gouvernement français en sait quelque chose. Mais revenons à Christophe Colomb. Il côtoya l'île de Cuba avec sa flottille, qui leva l'ancre le 12 novembre, reconnut les deux montagnes du Moa et du Cristal, baptisa un port du nom de Puerto del Principe et un archipel de celui de Mère de Notre-Dame, puis, ayant appris que l'or était abondant dans une certaine île Babek, qu'on lui indiquait comme à ses voisines, il résolut d'y aborder. Mais Alonso Pinzón, dont la carbella Pinta était la meilleure voilière de la flottille, prit les devants sans en prévenir l'amiral et disparut complètement le 21 novembre. Colomb fut très affligé de ce départ, mais n'en continua pas moins ses explorations. Sur la côte de Cuba, il découvrit successivement la baie du Moa, la pointe du Mangle, la pointe Baez, le port Baracoa, le fleuve Barma, la pointe de Las Azules, qu'il doubla. Mais, toujours convaincu que Cuba était un continent, il ne chercha point à en côtoyer la partie orientale. Il s'éloigna dans l'est, cherchant sans doute cette île Babek qui excitait les convoitises de ses compagnons et peut-être même les siennes. Il arriva ainsi le 5 décembre en vue d'une île que les Indiens appelaient Boyo et que la géographie connaît aujourd'hui sous le nom de Saint-Domingue ou Haïti, terre élevée, à cause de la hauteur de son sol. Christophe Colomb la nomma l'île espagnole, et après avoir jeté l'ancre dans le port Saint-Nicolas, qu'il baptisa du nom de Port-Marie, il la côtoya jusqu'à la baie Mosquito, après avoir reconnu un grand nombre de caps et un îlot qui prit le nom d'île de la Tortue et dans lequel l'amiral remarqua un cours d'eau navigable et une vallée si belle qu'il la baptisa Vallée du Paradis. Cependant, les indigènes étaient inabordables. Ils fuyaient dans leurs pirogues sitôt qu'ils apercevaient les carabelles. Mais quelques matelots ayant réussi à s'emparer d'une femme jeune et jolie, elle fut si généreusement traitée par l'amiral qu'il la renvoya librement avec des bagues, des perles et un fragment de vêtement, lequel n'était pas un objet de luxe pour elle, vu son état complet de nudité, que les sauvages s'humanisèrent peu à peu et apportèrent les productions de leur sol à bord des carabelles. Il y vint même un cacique, nu comme ses sujets et sujettes, qui l'accompagnait. Colomb lui fit rendre les honneurs dus à un souverain et apprit de lui que les provinces de l'Est regorgeaient d'or. Cette réception décida un autre cacique à venir mettre à la disposition des Blancs tous les trésors de son pays. C'était précisément le jour de la fête de Sainte-Marie que l'amiral fit célébrer avec pompe à bord de son navire. Le cacique assista à la cérémonie, mangea la table de son hôte et se retira enchanté, ébloui, au bruit de l'artillerie qui le saluait comme un roi, laissant à l'amiral quelques minces feuilles d'or en échange de pièces de monnaie à l'effigie de Ferdinand et d'Isabelle. De ce jour, Colomb, assuré de trouver à se ravitailler en faisant des échanges avec les indigènes, continua à explorer l'île espagnole. Il découvrit plusieurs ports, caps, baies et rivières, puis à la pointe Limbé, une petite île qu'il appela Saint-Thomas. Il débarquait souvent sur la côte et y faisait planter des croix en signe de prise de possession et par tous les indigènes, auxquels il prodiguait d'ailleurs les bagues de laiton, les perles en verroterie et surtout les grelots, qu'ils appréciaient beaucoup, l'accueillait comme un envoyé du ciel et l'encombrait de provisions. Le cacique de la province de Marien, nommé Guacanagari, lui envoya même une ceinture ornée de la figure d'un animal dont la langue et le nez étaient d'or battu. Le précieux métal était donc abondant dans l'île, et sitôt que l'amiral lui fait comprendre qu'il en cherchait, les naturels lui en apportèrent une assez grande quantité et lui apprirent que dans l'Est, il y avait un pays qui en produisait beaucoup. Colomb aurait probablement continué à chercher cette île fortunée si un accident irréparable ne fût arrivé à sa carabelle. Le jour de Noël, pendant une excursion hors du golfe de Saint-Thomas, la Santa Maria toucha sur des rochers et s'engrava. L'amiral s'épuisa en efforts pour relever son navire. Il fallut l'abandonner et en transporter l'équipage à bord de la Niña. La cargaison fut sauvée aussi en entier, grâce au dévouement de Guacanagari, qui accourut avec un grand nombre d'Indiens et aida à décharger le bâtiment, faisant déposer toutes les provisions sous la garde d'hommes sûrs, de sorte qu'aucun objet ne fut détourné. Dès le lendemain, le cacique se rendit à bord de la Niña, où était maintenant l'amiral, et mit toutes ses richesses à sa disposition. Christophe Colomb n'usa pas de cette offre généreuse, mais il se décida à fonder un établissement militaire et colonial dans l'île espagnole. Dans ce but, il fit commencer le 26 décembre une forteresse dont les travaux furent poussés avec une si grande activité qu'ils furent terminés le 2 janvier. Pendant ce temps, il avait eu des nouvelles de la Pinta. Des indigènes l'avaient vue à l'ancre dans une rivière à l'extrémité de l'île, mais un canot envoyé par Guacanagari revint sans avoir pu la découvrir. L'amiral se décida à la chercher lui-même, car réduit à une seule caravelle, il ne pouvait pas continuer ses explorations. En conséquence, il choisit parmi son équipage 39 hommes destinés à garder la forteresse pendant son absence, leur donna pour chef Rodrigo de Escovedo, leur laissa toute la cargaison de la Santa Maria, qui pouvait leur suffire pendant un an, plus la grande chaloupe de ce navire, et quitta l'île espagnole le 3 janvier, en recommandant surtout à ses nouveaux colons de conserver d'excellentes relations avec les indigènes, de rechercher les mines d'or et un emplacement favorable à la fondation d'une ville. Deux jours après, en côtoyant l'île, il rencontra la Pinta, qui n'avait pas fait autre chose depuis le 21 novembre, jour de sa disparition. Alonso Pinson vint à bord de la caravelle amirale et tenta d'excuser sa conduite. Christophe Colomb voulut bien se contenter de ses mauvaises raisons parce qu'il avait besoin de lui et continua sa route. Le 7, il fallut s'arrêter pour boucher une voie d'eau qui s'était déclarée à la quille de la Niña. L'amiral profita de ce relâche pour reconnaître un grand fleuve situé à une lieue de Monte Cristi et qu'il nomma Rivière d'Or parce que ses eaux charriaient de nombreuses paillettes du métal si désiré. La fortune était là, peut-être, mais les équipages étaient fatigués et sous l'influence des frères Pinson, ils demandaient à grands cris le retour. Il commença le 16 janvier et il était temps de l'effectuer car de ce côté de l'île, les indigènes, qui avaient probablement été fort maltraités par l'équipage de la Pinta, se montraient absolument hostiles. Il y eut même une bataille, le sang coula, et les prisonniers confis grossirent le nombre des otages que Christophe Colomb tenait à montrer en Espagne comme preuve de ses découvertes. Le voyage fut sans incident jusqu'au 12 février, mais ce jour-là et les deux suivants, les caravelles furent secouées par une tempête si violente que l'amiral, craignant une catastrophe finale, écrivit sommairement sur un parchemin qu'il fit jeter à la mer soigneusement enfermé dans un baril le résultat de ses découvertes, avec prière à celui qui le trouverait de le faire parvenir au roi d'Espagne. On peut juger du désespoir de ce pauvre grand homme qui, après avoir consacré toute sa vie à une grande idée, allait faire naufrage au port. Mais l'avenir lui réservait d'autres chagrins. La tempête s'apaisa, les navires purent gagner les îles Açores pour réparer leurs avaries. Le 23, malgré des vents furieux et qui demeurent bientôt contraires, Christophe Colomb reprit la mer et fut très heureux de pouvoir se réfugier, le 4 mars, à l'embouchure du Tage, pendant que la Pinta, séparée de sa caravelle par la tempête, était repoussée jusque dans la baie de Biscaye. L'amiral reçut un bon accueil en Portugal. Il fut même mandé par le roi, qui voulut le complimenter sur son hardi voyage. Mais il avait hâte de revoir l'Espagne, et sitôt que le temps le permit, il remit à la voile. Enfin, le 15 mars à midi, il mouillait dans le port de Palos, dont il était parti 7 mois et demi plus tôt. Ce fut son premier, son unique triomphe, et pendant le voyage qu'il fit avec son équipage, ses richesses, et les 10 Indiens qu'il ramenait au Nouveau Monde, pour aller trouver la cour qui était alors à Barcelone, les populations accoururent de toutes parts sur son passage et lui rendirent les honneurs royaux. Son entrée à Barcelone fut magnifique. Ferdinand et Isabelle y avaient déployé toute la pompe du XVe siècle. En tête de son cortège marchaient ces hommes d'une autre race, couverts de vêtements et d'ornements inconnus en Europe. Venaient ensuite, portés par des matelots dans des cages resplendissantes de décoration, les animaux et les oiseaux étranges de ces terres lointaines, puis les fruits, les fleurs, les essences du Nouveau Monde, élégamment disposés dans des bannes d'or. Enfin, le grand navigateur revêtu de ses insignes d'amiral de l'océan Indien et que le roi et la reine reçurent debout comme un égal. Il raconta devant cette foule brillante les dangers de son voyage, le bonheur de ses découvertes, les merveilles des pays qu'il avait acquis à l'Espagne, les espérances qu'il en concevait pour l'avenir. L'enthousiasme fut tel que toute l'assemblée tomba à genoux en tenant le Te Deum. Ce fut certes le plus beau jour de la vie de Christophe Colomb. Son rêve n'était plus un rêve, et son nom allait être acclamé par toute l'Europe. Mais les honneurs qu'on lui rendit furent bien payés, et au-delà, par les tourments et les injustices qu'il devait éprouver par la suite.